Kawet Thériault et Associés, ce Sénat d'AGREF de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Janton profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population et rappellent d'être prudents en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appartage, contactez le 418-2478 ou encore le 275-5151. Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de Construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. Tombe. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block. 1670, boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's. 418-276-8025. On va parler du Rocket de Laval. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé du Rocket. On n'en parle pratiquement jamais. Ça va pas bien. Quoi que le Rocket a gagné hier, on en parle avec Anthony Marcotte. Salut Anthony. Allô Danny. Anthony, qui est le descripteur radiophonique des matchs du Rocket au 91.9. Dis-moi, c'est quoi comment tu trouves ton expérience jusqu'à maintenant? Parce que tu avais l'expérience junior. Là, maintenant, tu as l'expérience beaucoup plus professionnelle. Ça ne doit pas être la même affaire du tout, là. Dans un sens, oui, ça se ressemble énormément. La grande différence pour moi, c'est que je peux me consacrer à ma tâche à 100%. Quand je faisais du hockey junior, j'avais tout le temps quelque chose autour, tu sais, qui pouvait me permettre de gagner ma vie dans le monde du sport. Mais tu sais, la description d'hockey, c'est tout le temps un revenu d'appoint. Maintenant, je fais ça à temps plein. Alors, pour moi, c'est un monde de différence. C'est sûr que j'adore ça. Je fais mes propres horaires, je m'ajuste en conséquence de l'horaire du Rocket. Donc, pour moi, ça me donne énormément de liberté faire autre chose aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, non seulement j'apprécie le calibre de jeu, mais pour toutes ces raisons-là de logistique au niveau professionnel, là, c'est super plaisant. Parce que là, tu voyages avec l'équipe. Tu étais à Charlotte la semaine passée. Là. Charlotte, c'est en Caroline du Nord. Donc, c'est un méchant voyage, j'imagine. Donc, faire un voyage avec des jeunes de 16 ans, comme quand tu étais habitué avec l'Armada, les Saguenayens, tu te rappelles des beaux voyages que tu faisais avec les Saguenayens quand tu étais allé à Rouyn-Noranda, genre, puis là, maintenant, tu fais ça avec des professionnels, les voyages doivent être différents, les anecdotes doivent être différentes aussi, là. Ça, c'est certain. Avec des jeunes, je pense que les joueurs dans le junior majeur sont davantage tenus par la main que chez des professionnels. Ça, c'est une grande différence que je constate. Les joueurs sont beaucoup plus vieux, donc c'est normal. L'entraîneur n'a pas à les suivre à la trace. Les joueurs veulent faire carrière chez les pros, donc et pour la plupart, ils font un salaire très très intéressant, même dans la Ligue américaine. Donc, eux, ils sont laissés à eux-mêmes sur la route. Il n'y a pas de couvre-feu, les gars font ce qu'ils veulent. Tandis que dans le junior, là, les gars sont tenus par la main, ils sont vraiment tenus serrés. C'est ça la différence. C'est la qualité des villes qu'on visite aussi, des villes plus grandes, avec plus de population. Il y a certains buildings qui sont assez vieux, tout ça, assez ordinaires, mais certains autres, là, comme à Winnipeg récemment, c'était dans l'aréna des Jets, donc on était installé dans un environnement de travail digne de la Ligue nationale. À Charlotte, c'est une ville superbe, un beau centre-ville, on a pu aller voir le match de la NBA la veille, donc ce sont des beaux voyages chez certains, puis quand la destination est trop loin, on prend l'avion. Donc, c'est ce qu'on faisait pas là, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. OK. Donc, tu es à Charlotte. Ça ne doit pas être une... Tu sais, c'est proche de Raleigh, ça. Hein? Ça ne doit pas être une mentalité beaucoup de hockey. Hein? Non, c'est certain que c'est une mentalité beaucoup plus axée sur le sud. On sent vraiment que c'est une ville qui carbure au basketball puis au football. Là, c'est certain. D'autant plus que le deuxième match du Rocket le week-end dernier, là, c'était... en même temps que le match des Panthers de la Caroline qui jouait à 10 minutes du Bojangles Arena, là où on faisait notre match. C'était le gros match contre les Packers de Green Bay. Alors, fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de gens dans les gradins. C'est sûr et certain que dans la majorité des matchs américains, c'est le football qui a préséance surtout. Même s'il y a quand même une certaine bande de partisans de hockey dans ce coin-là, c'est sûr et certain qu'ils vont toujours arriver en dernier dans le calcul des forces sur la scène sportive. C'est pas loin de Raleigh, donc on peut pas penser que maintenant Gary Bettman va installer une concession à Charlotte, même si c'est une ville qui est en pleine effervescence au niveau économique aussi. Là. Ça pourrait être tentant. Dis-moi, le Rocket de Laval, écoute, moi je suis pas un fan, je me suis très connu, je suis pas un grand fan de Sylvain Lefebvre, mais pour les raisons que plusieurs connaissent, il fait longtemps qu'il n'a pas été à la série éliminatoire, il était une fois en 6 ans, pas développé avec beaucoup de joueurs, mais c'est-tu vraiment juste de sa faute? 12 matchs sur 14, hier on a gagné, donc au cours des 14 derniers matchs, 12 défaites. Ouais, ben c'est sûr qu'on peut... On peut regarder tout de suite dans la direction de Sylvain Lefebvre pour expliquer les insuccès de l'équipe. Moi, je pense que c'est pas seulement de sa faute. C'est certain qu'il peut avoir des torts là-dedans. Si tu regardes son bilan, comme tu le dis, dans les 6 dernières années, c'est un bilan qui est très ordinaire. On se le cachera pas. Ouais. Cette année, je veux dire, je vois comment est-ce que ça se déroule au sein de l'équipe. Il y a eu énormément de rappels. Si tu regardes, oui, il y en a partout dans la Ligue nationale. Mais si je regarde plusieurs équipes, le Rocket fait partie des équipes dans cette division, à tout le moins, là, qui s'est fait le plus déculotté par des rappels dans son équipe depuis le début de la saison. C'est des équipes là, qui trônent au sommet, comme Toronto, comme Rochester, et qui récemment, le Syracuse, qui a repris du poil de la bête, sont des équipes qui ont pratiquement pas perdu de joueurs cette année. Quelques exceptions près, là, mais jamais à long terme. Dans le cas du Rocket, on a perdu... À long terme, Byron Freeze. On a perdu pendant plus d'un mois Charlie Lindgren. Freeze est encore en haut. Nicolas Deslauriers. Là, tu rajoutes Daniel Carr. Jakub Jarzabek. Et là, on a rappelé Brett Learnout hier. Donc, ça fait commence à faire pas mal de joueurs qui sont partis et que, mis à part Lindgren, ne sont jamais revenus. Alors, à un moment donné, quand tu perds la majorité de ton équipe, le cœur de ta formation au niveau caractère et en défense, probablement tes deux meilleurs défenseurs, c'est sûr et certain que tu vas t'en ressentir. C'est à d'autres de prendre la place. Mais pour la majeure partie des cas, sont des joueurs là, qui devraient avoir des rôles de succès au niveau de la Ligue américaine, qui sont pas capables nécessairement de transporter l'équipe. OK. Je regarde le pointage. Du côté des marqueurs, c'est Chris Terry qui mène. Évidemment, c'est un joueur de la Ligue américaine. C'est un joueur vraiment étiqueté Ligue américaine. C'est pour ça, ça sera jamais. On l'a vu un peu avec Montréal l'année passée. T'as Matt Termina qui est deuxième, 2 buts, 24 passes, 26 points. Ça, c'est un défenseur. Le reste, tu regardes ça, c'est pas écrit à sa mère. Hein. Jérémy Grégoire, le vrai prospect intéressant, c'est Nikita Sherbak, hein, qui avant sa blessure, a roulé rondement. Il est revenu, je pense, c'est en fin de semaine dernière. Lui, c'est, pour le Canadien, c'est lui vraiment qu'il faut regarder, hein, comme gros prospect. Là. Parce qu'il s'y allait bien avant sa blessure. Oui, très bien. Il joue très bien, Nikita Sherbak. Il est revenu, lui, dans ce week-end à Charlotte, justement. Et depuis qu'il est dans la Ligue américaine, si tu calcules le petit nombre de matchs qu'il a joué en tout début de saison avant d'être rappelé, il est rendu à 15 points en 9 parties là, seulement d'Nikita Sherbak au niveau de la Ligue américaine. Ça, présentement, dans un court échantillon, c'est le meilleur ratio de points par match actuellement dans la Ligue américaine. Donc, c'est un joueur qui est très dominant à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il se doit de jouer au niveau de la Ligue américaine pour encore quelques mois, peut-être pour finir la saison avec le Rocket, mais continuer de gagner en confiance sur un trio offensif, de jouer beaucoup sur un trio régulier, aussi en avantage numérique. C'est sûr et certain qu'il a un beau potentiel. Moi, j'avais de gros doutes avant le début de la saison. Moi, je vais critiquer certaines fois son effort régulier, mais on dirait que tout commence à tomber à la bonne place dans le cas de Nikita Sherbak. En tout cas, moi, de mon bord, je suis très loin d'avoir lancé la serviette avec l'attaquant russe. Ce qu'il a montré hier en fin de semaine et hier soir contre Syracuse, c'est un joueur là, vraiment dominant au niveau de la Ligue américaine. Est-ce que c'est un joueur que tu sais, il avait eu l'étiquette après un camp d'entraînement très ordinaire, soyons honnêtes, puis le Canadien il avait fait vraiment, tu sais, vraiment, il comptait sur Nikita Sherbak, mais il a tellement été ordinaire qu'il a été renvoyé à Laval. Est-ce que ça a fait en sorte que ça l'a peut-être réveillé par après? C'était un wake-up call dans son cas? Bon, je pense que oui. Je pense que tu le vois directement sur le bobo. vu qu'il a été ordinaire, ben ça a commencé très mal pour lui au camp des recrues. Il semblait se chercher sur la patinoire, n'a rien cassé avec le camp du Canadien. Il a été même un des premiers coupés au camp. Ouais. Alors ça, ça a été une surprise pour un peu tout le monde. On l'a envoyé très rapidement au camp de la Ligue américaine. Je pense que ça l'a fouetté parce que dès le départ dans la saison, il a été très bon. Ça a forcé le Canadien à le rappeler, lui et Michael McCarron, en même temps. C'est dommage parce que je crois qu'il a joué quoi 2 ou 3 matchs avec le Canadien avant de se briser la cheville, d'être opéré. Donc là, il revient en force et c'est intéressant. Mais comme je le disais tantôt, laissons-le jouer de la Ligue américaine un peu plus longtemps. Et quand il sera vraiment prêt à se faire une place sur les 2 premiers trios à Montréal, qu'on le rappelle. OK. Je veux te parler de McCarron, justement. McCarron, c'est, je me rappelle, lorsqu'on l'a repêché, c'est un Milan Lucic. Tu sais, on le voyait qu'il se comparait même à Milan Lucic. Moi, je le regarde aller, ça ressemble plus à un Joël Auto. Je ne sais pas si tu en rappelles. Il peut-tu acquérir ce genre... Tu sais, Joël Auto, le gros joueur de centre des Flames de Calgary, tu es peut-être un peu jeune, Anthony, pour te rappeler de lui. Là. Ça peut-tu être un genre de ce gars-là? Quoi? Tu sais, un gros joueur ben, de moi, centre, tout troisième pense, trio. Le hockey a tellement changé aujourd'hui, ouais. Danny. C'est surtout une question de vitesse, dans ouais. le cas de Michael McCarron. Okay. Tu sais, avec l'absence de la ligne rouge maintenant, la longue ouais, passe en zone 2, l'absence d'accrochage, ça fait qu'un joueur comme McCarron, lui, il doit bouger, là, doit être mobile sur la patinoire, doit avancer, parce qu'il devient extrêmement vulnérable en plusieurs circonstances. Et ce qui, là où le bas blesse pour lui, c'est son absence d'explosion. C'est pour ça qu'on ne le place pas à l'aile, parce qu'à l'aile, tu as besoin d'exploser. Tandis qu'au centre, ben, tu peux te permettre de te laisser traîner un peu plus et t'es toujours en mouvement un peu plus à tout le moins que sur l'aile où le stop and go est tellement important. Mmh. Alors, on le laisse au centre. C'est quand même un joueur qui est assez utile au stock de mise au jeu. Mais je pense que pour lui, c'est une année déterminante dans son cas. Et présentement, je suis pas prêt à dire que c'est un joueur de la Ligue nationale, même pas sur un 4e trio, tellement sa vitesse est une énorme lacune. Il n'avance pas. Il traîne un piano sur son dos. Alors, c'est dommage dans le cas de McCarron parce que c'est une bonne personne, c'est un bon individu, c'est quelqu'un qui est agréable à côtoyer, qu'on rencontre et qui est toujours de bonne humeur, tout ça, mais je pense que pour faire carrière dans la Ligue nationale, il se doit d'améliorer de façon substantielle son coup de patin. Il est même pas proche d'être au niveau de la Ligue nationale à ce niveau-là. OK. Parle-moi en terminant de... Ben, on va faire une pause, puis je veux te parler de Zachary Fukale, tu sais, qui appartient au Marquis Jonker dans la Ligue nord-américaine. Je veux te demander son renvoi avec les Bears de Brenton. Est-ce que les partisans des Marquis peuvent commencer à rêver Zachary Fukale? Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Anthony Marcotte, descripteur du Rocket de Laval sur les ordres de DonaldoSport.com. La direction et le personnel du marché Richelieu épicerie Florent Lachance de Saint-Prime vous souhaitent une heureuse période des fêtes. Que la nouvelle année vous apporte paix, santé, bonheur et qu'elle comble vos moindres désirs. Depuis maintenant 62 ans, nous prenons plaisir à vous servir. C'est d'ailleurs pour vous remercier de votre support indéfectible que nous avons complètement rénové notre espace et nos équipements au cours de la dernière année, soucieux d'être à la hauteur de vos attentes, chers clients. Nous serons honorés de continuer à bien vous servir en 2018. De la part du marché Richelieu, épicerie Florent Lachance de Saint-Prime, joyeux Noël! Et bonne année. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la 6e génération de chez Salaison Vaisson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vaisson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! On est de retour avec Anthony Marcotte, descripteur des matchs du Rocket de Laval au 91-9. Anthony, t'es un gars de la région, donc tu connais un petit peu le coin. Pas de la région, mais t'as travaillé dans la région. Donc tu sais que Zachary Fukale appartient au Marquis Jonker. C'était une long shot l'année passée lors du repêchage. Ficalé, on pensait qu'elle allait être le numéro 2 l'an dernier, derrière Lindgren à Laval. Est-ce que tu renvoies avec les Bears de Brenton de la East Coast? Est-ce que ça veut dire que les partisans des Marquis peuvent commencer à rêver à Zachary Ficalé? Je te dirais oui et non. Pour répondre à ta question, dans le cas de Ficalé, c'est un peu obscur. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve à Brenton. Oui. La première fois, on nous avait dit qu'il se devait d'aller garder les buts un peu. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas gardé le filet. On l'a ramené. Il s'entraîne avec l'équipe depuis 3 semaines. Il n'a pas vu d'action. Et là, encore une fois, on l'envoie à Brenton. Mais ça, pour l'instant, à moi d'avis contraire, ce n'est pas pour des fins de conditionnement. Alors, j'ai l'impression que c'est pour un certain temps qu'on l'envoie dans la ECHL. C'est pas de bon augure, là. Ça, c'est sûr et certain, dans le cas de Zachary Ficalé. D'abord parce que il en est à sa dernière année de contrat avec l'organisation du Canadien. Moi, je ne pense pas qu'il fait partie des plans en vue de la saison prochaine. Il est pris là, vraiment là, dans un système à 3 gardiens où le numéro 1, Charlie Lindgren, va garder les buts le 3/4 du temps. Mm. Et le deuxième, Malcolm McNiven, semble être identifié là, pour obtenir là, le 25% de départ restant après Charlie Lindgren. Donc, pour Ficalé, il n'y a pas vraiment de place pour lui. Il n'y a pas de blessure présentement pour lui permettre de revenir dans les bonnes grâces. Alors, pris entre deux chaises, on l'envoie dans la Ligue de la Côte-Est. Maintenant, moi, je pense que le potentiel montré dans la Ligue junior majeure du Québec pour Ficalé va lui permettre d'obtenir un autre contrat professionnel dans la Ligue américaine. Il y a une autre équipe qui va lui donner une chance. Je pense, à tout le moins, là, que Ficalé, avec ce qu'il a montré junior majeur, la conquête de la Coupe de Montréal, c'est quelqu'un qui a quand même un très bon nom dans la Ligue nationale. C'est un choix de deuxième tour également. Donc, pour toutes ces raisons-là, au-delà de ce qu'il montre dans la Ligue américaine, je pense qu'il va obtenir un contrat d'un an l'an prochain. Peut-être uniquement de la Ligue américaine, mais je suis convaincu qu'on va le revoir au niveau de la Ligue américaine la saison prochaine. Par contre, pour ce qui est des Marquis, je suis convaincu qu'on peut se permettre de le laisser sur la liste de protection. On ne sait jamais là, comment ça peut tourner dans le monde du hockey. Mais si tu lui poses la question dans le vestiaire, je suis convaincu qu'il ne passe même pas à Jean-Pierre. Non, c'est sûr. C'est parce que c'est moi qui y pense, puisque je viens de la région. Là. C'est pour ça. Il doit savoir juste à peine qu'il a été repêché par les Marquis. Je ne sais même pas s'il sait. Mais l'Europe, tout de suite, une solution également pour Ficalé. Parce qu'à l'Europe, tu gagnes tiens, en Suisse, en Allemagne, même dans KHL, ça peut être une possibilité? Ah, ça se peut. Ça, c'est fort possible. Ouais, hein? C'est en plein le type d'individu que l'Europe pourrait intéresser. Ouais. Pour connaître Zach un peu, depuis le début de la saison, je le côtoie. C'est quelqu'un de défi. Zach, il aimerait sûrement relever le défi d'aller jouer en Europe. Je pense vraiment là, que peu importe la Ligue, que ce soit la KHL, comme tu l'as dit, la Ligue de la Suisse, l'Allemagne, il y a plein de calibres intéressants. Ouais. Belle expérience de vie aussi de jouer en Europe. Ça pourrait devenir une possibilité. D'ailleurs, il y a goûté un petit peu parce qu'il a participé à la Coupe Spengler l'an passé avec le Canada. Donc, probablement que ça lui a donné l'idée d'éventuellement faire le saut en Europe. OK. Dernière question, Anthony, parce que je vais te laisser. Là. Laval, est-ce que c'est un pari gagné jusqu'à maintenant au niveau des foules? C'est sûr que là, on entend parler plein de belles choses de la place Belle, qu'il y a eu un beau galop de boxe l'année passée. C'est sûr que le club ne performe pas, ça n'aide pas à attirer des foules. Est-ce que c'est un pari qui maintenant est réussi pour l'organisation du Rocket? Il y a l'aspect nouveauté aussi, j'imagine, aussi qui rentre en ligne de compte. Parle-moi de tout ça. Bien, je te dirais qu'il y a de bons signes. C'est sûr et certain, comme tu dis, l'aspect nouveauté, ça, c'est pas de dédié. On l'a vu avec le centre Vidéotron à Québec. Ouais. C'est le même genre de situation à Laval. Cependant, on ne pourra jamais enlever le fait que c'est le club-école du Canadien. Et ça, on sent déjà un sentiment d'appartenance pour le club-école. On voit dans les gradins beaucoup de gens porter les couleurs du Rocket. Je pense que le grand travail de marketing de l'organisation, c'est un peu mon rôle aussi, c'est de faire connaître ces joueurs-là. Et quand un Brett Leonard, par exemple, est rappelé par le Canadien, bien que les partisans ont l'impression de le connaître un petit peu mieux et s'attacher plus rapidement à un joueur comme Leonard, entre autres. Donc ça fait partie de la grande tâche de faire connaître les joueurs, mais aussi le calibre de jeu de la Ligue américaine. Et jusqu'à maintenant, là, ça va très bien pour le Rocket. Là, c'est toujours autour de 6000 personnes par match. Un des bons indicatifs hier, là, t'es dans le temps des fêtes, il y a des parties de Noël un petit peu partout. Il attire 5400 personnes hier à la Place Belle. Moi, je pense que c'est très bon dans les circonstances, d'autant plus que tu as 2 autres matchs, vendredi et samedi, encore à domicile. C'est de bon augure, parce que le calendrier depuis le début de la saison n'est pas vraiment favorable au Rocket de Laval. Tu joues beaucoup de programmes doubles contre la même équipe dans la fin de semaine. Et souvent, c'est des séquences à domicile de 3 matchs dans la même semaine. Donc, attirer des partisans là, plus d'une fois par semaine dans un aréna de nos jours, dans la région de Montréal, avec toute l'offre de divertissement qui est offerte, avec les restaurants, tout ça, c'est pas vraiment facile, mais c'est quand même fort positif depuis le début de la saison. Et l'autre point positif aussi là, pour la Place Belle, c'est sa proximité du métro. Il y a bien des gens là, du centre-ville de Montréal qui peuvent sauter dans le métro et se rendre directement à la Place Belle. T'as à peine à sortir 10 minutes à l'extérieur et t'es rendu au building. Donc ça, là, c'est vraiment vraiment intéressant pour les partisans. C'est quoi le profil de la foule? C'est-tu plus jeune? C'est-tu familial? C'est-tu familial, étant donné que ça coûte très cher aller au Centre Bell? On dit on va aller voir le Rocket. C'est quoi, en fait? Ça ressemble beaucoup à la clientèle d'Hockey Junior. Je dirais, il y a beaucoup de jeunes aussi. La fourchette de prix là varie entre 25 et 45 $. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus abordable. Les loges corporatives, c'est intéressant parce que la majorité d'entre elles ont été vendues pour l'année. Le corporatif à Laval est quand même assez important. Ils ont décidé d'embarquer dans le Rocket de Laval dans le but d'amener leurs clients. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une rangée de loges là, qui fait complètement le tour de le trois quarts, autrement dit, de la patinoire. Donc c'est quoi? Environ 25 loges corporatives qui sont vendues. Donc là aussi, là, c'est fort intéressant. Mais le building demeure grand à remplir. C'est 10 000 personnes. Mais quand on franchit la barre des 6 000 spectateurs par match, je pense que c'est mission accomplie. OK. Anthony Marcotte, descripteur du Rocket à Laval, un gros, gros merci. Je vais te souhaiter des joyeuses fêtes, une bonne année également en 2018. Santé, bonheur. Puis je suis bien content que tu tripes sur le hockey. C'était ça que tu voulais faire depuis que tu es descripteur des matchs des Saguenayens. Je pense que, je te l'ai dit l'autre fois, tu es à un poste maintenant d'être des grandes ligues, c'est celui de Martin McGuire. Donc, on peut dire que tu as passé de la Ligue. La Ligue nationale, de Junior majeure à la Ligue nationale, à la Ligue américaine. Tu restes bien qu'un petit pas, là, pour atteindre la Grande Ligue. Ben, il reste un petit pas. Il en reste un gros encore. Ouais, la nappe est vraiment grande pour, professionnellement parlant pour moi. Mais la même chose pour la Ligue américaine jusqu'à la Ligue nationale. Il y a bien peu d'élus. Je suis bien content de pouvoir gagner ma vie à temps plein comme ça, d'écrire du hockey. Je fais partie des privilégiés, là, qui ont la chance de le faire, de façon annuelle. Donc, pour l'instant, je suis loin de me plaindre de mon sort. J'aime beaucoup ce que je fais. Et, je te remercie pour tes bons mots. Anthony Marcotte, un descripteur que vous pouvez écouter au 91.9, avec Raphaël Doucet.